suis sur une route à sens unique. Mais ce panneau m'informe d'une réduction du nombre de voies de circulation. D'ici 400 mètres, on va passer de 2 à une seule voie. Mon dépassement est déjà largement entamé. Et je dispose de suffisamment de temps et d'espace pour le terminer. D'autant plus que ce camion ne peut normalement pas excéder les 80 km/h sur ce type de route limitée à 110 km/h. Réponse A.